les amis, j'espère que tout va bien chez vous, parce qu'ici, à part la pluie toute la journée, ça va. Aujourd'hui, c'est la saga des Fab Four numéro 608 sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Et c'est un live, une sorte de live que j'aurais voulu entendre. Sauf que quand je l'ai préparé, j'avais plus de 3 heures de live. Oui. Seulement, l'émission devait tenir en 2 heures. Donc, j'ai raboté, enlevé, enlevé, enlevé, jusqu'à ce que ça tienne à peu près dans 2 heures. Et il se trouve que Eric ne sera pas là ce soir. Eh ben du coup, non, on va pas prolonger parce que c'était pas prévu. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais pas raboté comme je l'ai fait. Mais au moins, on va passer toute la prog. Donc, restez bien calés. Imaginez-vous que Paul McCartney soit présent à Bordeaux ce soir dans la saga des Fab Four en exclusivité. Et nous allons voir ça progressivement. J'ai oublié la playlist à la maison, donc je vais la découvrir en même temps que vous, parce que j'ai fait cette saga il n'y a pas longtemps, mais je l'ai faite quand même. Et la playlist est restée sur l'imprimante. C'est scandaleux, c'est pas du tout professionnel, Thierry. Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. J'ai un boulot dehors. Allez, restez sur Facebook dans le groupe la saga des Fab Four et on se retrouve dans quelques instants. Paul McCartney, Venus and Mars Rock Show, couplé avec So Glad to See You Here. Enfin, depuis le temps que je lui ai demandé. Merci Paul. Vous êtes sur RIG 90.7. C'est un live spécial Paul McCartney que je vous propose pour la 608e édition de la saga des Fab Four. Bien sûr. Petite pause. Paul McCartney dit bonjour. Je retire le son de façon à pouvoir commenter depuis le stand là où je suis, dans les loges VIP. Oui, j'ai cette chance. Et Paul McCartney fait comme il fait d'habitude lorsqu'il est dans les stades ou lorsqu'il est à Bercy. La machin arena, je ne sais plus comment on l'appelle. Il prend le pouls du public. Il dit allumez-moi les lumières et puis laissez-moi profiter un petit peu. Et il met ses mains devant son torse et puis il en prend plein les dents puisqu'on dit ouais on t'aime Paul McCartney et il adore ça. Il adore le public Paul McCartney. Bon, qu'est-ce qu'il nous réserve en je sais qu'il va y avoir des invités. Il va y avoir par exemple U2. Oui, sur Sgt Pepper, U2. Et Paul McCartney, bien sûr. RIG 90.7, la radio des Beatles. C'est pratique avec U2. On te dit quelque chose, tu dis ouais, toi aussi. Paul McCartney et U2 sur RIG 90.7, la radio des Beatles, également sur www.rigfm.fr. Je profite du moment où ils discutent un petit peu pour parler avec vous des trois sites importants pour tout savoir sur les Beatles. Il y a le Maca Club. Maca Club que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur le site Maca Club, bien évidemment, pour parler de Paul McCartney, vous vous en doutez. Il a une sacrée actualité puisqu'il sera le 4 et le 5 décembre, si je ne me trompe pas, du côté de Paris. Là, il est chez nous, en virtuel, à Bordeaux. Dommage qu'il ne vienne pas vraiment à Bordeaux, j'aurais adoré. Mais on peut aussi parler des Beatles, mais retenez bien, c'est le Maca Club. Il y a aussi le yellowsub.net. Yellowsub.net qui existe en tant que forum et qui existe aussi sur Facebook. Cherchez-le, vous allez le trouver sans problème. Et puis, on peut parler des Beatles et de Paul McCartney, bien entendu. Et surtout, et aussi, ça fait beaucoup de aussi, il y a le site pour tout savoir de manière internationale et en anglais, s'il vous plaît. C'est la différence avec le Maca Club et yellowsub.net. Il y a le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Vous me demandez chaque fois et je vous réponds. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita. Et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. Merci la régie, on reprend le cours. Ah, il dit c'est très cool d'être de nouveau ici à Bordeaux et la dernière fois qu'on est venu c'était chouette, c'est Paul McCartney et là il est avec Billy Joel. Ah oui, ils se sont déplacés à Bordeaux, ce Paul. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me.

Voilà un concert qui démarre vraiment, vraiment, vraiment sur des chapeaux de roue. Vous voulez savoir ce qu'on a écouté depuis le début? Eh bien, j'ai la liste. Oui, ça sert d'avoir des téléphones et tout ça, tous raccrochés les uns aux autres. Au début, nous avons écouté Venus and Mars, Rock Show, So Glad to See You Here, sans s'arrêter une seule seconde, plus de 8 minutes de musique à fond la caisse. Ensuite, on est dans la période Beatles actuellement, I'm Down. Il y a eu Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band avec U2 et Let It Be avec Billy Joel. Et puis à l'instant, Got to Get You Into My Life. Il nous réserve encore des Beatles, c'est prévu, puisque c'est quand même quelque chose qu'on attend. Et la suite, bah, c'est maintenant. Oui, je vais vous dire. All right, hey, here we go. I'm about this one. I'm Amazed sur RIG. Okay, well, this next song is from the McCartney album we made, and this one's called Every Night. Il a tout dit. Ça vient de l'album McCartney, en 70. Paul McCartney en live sur RIG 90.7. Remarquez combien ce début en solo aurait pu être la suite des Beatles, forcément, avec Got to Get You Into My Life, c'est ce qu'on a écouté avant, mais Maybe I'm Amazed et Every Night, extrait de son premier album solo, c'est quand même du très très très grand boulot. Merci Paul McCartney. Oh, je connais ça. Ça, c'est Hit at Home et Smile Away en live. Vous êtes sur RIG 90.7. C'est un spécial Paul McCartney 100% live.

jamais fait en concert. Un petit intermède instrumental. Si je me souviens bien, c'était la face B de The World Tonight en 1997. Et ça s'appelle Squid, sur RIG, Paul McCartney. Ça va lui reposer la voix, c'est bien. 82 ans quand même, monsieur. plutôt déjà la fin de cette première heure de Paul McCartney spécial live dans la saga des Fab Four numéro 608. Pour ceux qui n'arriveraient que maintenant, vous êtes en retard d'une heure déjà. Mais on va quand même gentiment vous dire ce qui est passé et que vous n'avez peut-être pas entendu. Il y a eu Venus and Mars, Rock Show et So Glad to See You Here en entrée. Puis I'm Down, suivi de Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band avec Bono et U2. Quand même, c'était un grand moment. Et Let It Be avec Billy Joel. Ensuite est venu Got to Get You Into My Life, succédé par Maybe I'm Amazed, Every Night, Is At Home, Smile Away. Et à l'instant, un petit instrumental tranquille pour détendre l'atmosphère que nous réserve Paul McCartney. Eh bien, on écoute la suite de ce show spécial Bordeaux de Paul McCartney. Ah, c'est du rock à l'ancienne. Get you to the top, but I'm too tired and rough. Well, she called me up on the telephone. Come on over, baby, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This way on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked on to that Levi boat, 5, 6, and by Levi boat. On 12, I'm starting to sag. Before I'm ready to try, get you to the top. Well, I'm too tired to run. Well, I sent you stuff for repairs. To fix, I'm using the stairs. I hope they hurry before it's too late, you know. I love my baby too much to wait. All this climate is getting me down. If I'm a cub streamed over the rail, and I walk on two by three by four, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On 12, I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drag. I'll get to the top. Well, I'm too tired to roll. Rockers everywhere! Let's do rock. away all the blues. I heard news. Mr. Rocky Knight, what are we gonna do? Singer has always been Paul McCartney. Okay, here we go. Simpler. Funny looks, Jeff. But blue moon of Kentucky didn't keep on shining. I don't care. Would I shine on the one that's gone left me? Pale blue moon of Kentucky just keep on shining. Shine on. Thank you. la 608e. 608e édition de la saga des Fab Four que vous écoutez ce soir, et c'est un live de Paul McCartney à Bordeaux. Quelle chance on a d'avoir Paul McCartney avant qu'il passe au mois de décembre. Il passera au mois de décembre le 4 et le 5 à Paris. J'y serai et j'espère vous voir. Et puis de toute façon, enfin, vous voir, ça va peut-être pas être facile, il y aura du monde, mais on va essayer quand même. Et la suite de la saga, la suite de son show, c'est bien rock'n'roll, et même il a envie de s'amuser, je pense. Est-ce que vous avez deviné ? C'est Blackbird en version Speedy. qui n'a pas chanté depuis très très longtemps sur Érigé 90.7. On a eu le droit à un petit passage rock, 20 Flight Rock. Chanson qui l'est fait connaître chez les... Oh, le nom me perd. La période des Silver Beatles avant, quoi. Les Quarrymen, voilà, les Quarrymen. Merci de nous l'avoir soufflé. Surtout auprès de John Lennon. Ensuite, il y a eu Good Rocking Tonight, Matchbox. Une interprétation de Blue Moon of Kentucky. Et puis, oui, c'était surtout Blackbird, l'interprétation complètement speed et amusante, finalement. Et puis, à l'instant... J'allais dire Speedy. Non, à l'instant, Sea Moon. Que nous réserve Paul McCartney? Eh bien, écoutons-le pour savoir. C'est toujours en live sur RIG 90.7. Là, c'est un medley PS Love Me Do, une création. Ça ressemble pas mal à ce que faisait Level 42, mais c'est une grande réussite. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. On va continuer avec une chanson qui revient en arrière dans le temps, dans les années 60. This one goes like this. Ça commence comme ça. Fixing a hole sur RIG. I'm fixing a hole where the rain gets in. Stops my mind from wandering. Stopped my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong or right.

sur RIG, on pourrait peut-être considérer que c'est un pays dans lequel vivrait Linda. Pourquoi pas? En tout cas, bel hommage. Merci Paul McCartney qui est en concert sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Que nous réserve Paul? Getting closer. Myself, Amanda. Radio play me a dancer below. Cattle pour me faire plaisir, deux extraits du même album, l'album Back to the Egg, que j'aime tant. Il y a eu Getting Closer et il y a eu Old Siam, Sir. Oh, ça, vous reconnaissez, c'est Coming Up sur RIG.

las mujeres. Avec Paul McCartney, on est tous très très bien. Et puis même, il a tenu compte des personnes de langue espagnole qui sont ici à Bordeaux et il leur a dit en espagnol, je crois, hein, c'était Los Hombres et Los Chicas, je sais plus, je parle pas espagnol de toute façon. Qu'est-ce que c'est que cette... On est presque dans la fin du concert là déjà. Put it there, oh, dès les premiers accords. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est un spécial McCartney 100%, 1000% live. Give me a hand, I'd like to shake it. I wanna show you I'm your friend. You'll understand if I can make it feel it's all that matters in the end. Said to his young son, I don't care if it weighs a ton, as long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. As long as Et Paul McCartney se retire. Et évidemment, là, j'ai encore baissé le son, mais tout le monde fait des wow, wow, wow, wow, wow, wow. Bon, je vais pas le faire tout seul. Donc, est-ce qu'il va revenir? Bah oui, il revient toujours. C'est Elvis qui disait « Elvis has left the building », on le disait, les speakers l'annonçaient au micro, parce qu'Elvis avait peur de se faire attaquer, et donc, quand il partait définitivement. Ça n'est pas le cas de Paul McCartney, qui revient, et sous les applaudissements, je les vois, et qui nous dit qu'il est temps de rendre hommage à George avec son copain Eric Clapton. J'ai remis le son. Ça c'est All Things Must Pass. Bonne idée, très belle idée. Passé. Très beau message de George Harrison et c'est bien vrai, il a raison. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est la première fois qu'il le fait en live pour vous à Bordeaux. C'est première fois, peut-être pas. C'est India. Une jam session au départ, mais quelque chose qui est très très bien, qui aurait pu sortir sur disque sans problème. C'est bientôt la fin du concert de Paul McCartney sur RG. Merci Paul. Et il nous dit que pour la dernière chanson, l'avant-dernière chanson pour être exact, il profite du fait qu'il est à Bordeaux en 2024, oui, mais surtout le 11 septembre, pour vous rappeler qu'il avait composé cette chanson juste après la catastrophe du 11 septembre, justement, aux États-Unis. Il était à New York. Allez, tous ensemble, tranquille. Freedom sur RIG. On tape du pied. Ce concert trop court, on voit John Lennon et George Harrison apparaître derrière, sur les écrans. Hélas, c'est Now and Then pour terminer ce concert. Ringo est à la batterie. And now d'être resté jusqu'au bout. C'était la 608e édition de la saga des Fab Four, un spécial live de Paul McCartney. On se retrouvera le 4 ou le 5 décembre à Paris pour voir en vrai Paul McCartney. Bon là, moi je l'ai eu ce soir pour moi, et vous, vous l'avez eu juste le son. Mais bon, hein. A très bientôt en tout cas, merci d'être resté sur 90.7, dites-le autour de vous, la saga des Fab Four est uniquement ici, sur cette antenne, 90.7 ou www.lgfm.fr. À la semaine prochaine, bisous filles, point mort garçon, ça suffira, à très bientôt, ciao. N'oubliez pas le bonus après la fin du générique. Entendu, vous retrouvez Eric la semaine prochaine. Vous n'entendrez pas. Merci Thierry. Juste après là.